Salut, salut, salut, comme tous les dimanches soirs, vous êtes bien sûr Radioactive 100 FM, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. J'ai nommé Lost in Space, commence à l'instant et s'achèvera dans quelques heures, parce qu'en fait on va passer la soirée et ensemble avec plein de rubriques, plein de choses diverses et variées. Et on commence immédiatement avec Blanca. Allez, c'est parti. Yeah. Le jour se lève, se couche, s'appesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure, c'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabien Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Est loin mais pas sa guerre qui a chassé Cravant jusque d'Amérique. Mexico n'est rien pour lui, juste un autre monde. Mina Loy ne viendra plus. Fabien Lloyd, signature, c'est cravant. On aura bientôt plus de nouvelles. On invoquera la disparition en vol au-dessus des Caraïbes. On pourrait s'en sortir, changer de peau, brouiller les pistes, disparaître en mer. Mais pas Fabien Lloyd qui est épuisé, qui veut être revivre la nuit, le jour, la même chose, comme une durée infinie. Le jour se lève, se couche ou s'apesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure, c'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabien Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Fabien Lloyd va passer la frontière, se faire descendre juste pour ne pas mourir de l'âme, qui était enfin Mexico. S'apesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure, c'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabien Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. I don't wanna baby. My hands are warm and merry. This one. Can't you look after yourself and not

Qui a dit que les Russes n'étaient qu'une bande de Cosaques incultes? Et oui, jeunes gens, comme tous les pays civilisés, ils possèdent une scène surf-musique, parfois même prolifique. Ainsi, les Messerschoops, vraisemblablement réchauffés à la vodka, cliché dont il aurait été dommage de faire l'économie, jouent une honnête musique qui reste bien dans les clous du style, sans trop s'égarer hors des sentiers battus. Une vraie perle de discothèque que l'on ne passera à ses amis qu'accompagné d'un commentaire sur la surf musique rue, etc., etc., etc. Vous êtes bien sur le 100 FM Radioactive, Lost in Space. À l'instant, on a eu de la surf music en provenance de la Russie, la Sainte Russie ou la Russie soviétique. Ça dépend comment, à quelle époque vous êtes resté coincé. Le groupe, c'était les Messerschoops. Et on continue avec notre rubrique de la vie de Marky Ramones, le batteur des Ramones, le deuxième batteur. Le bouquin s'appelle Punk Rock Blitzkrieg, on en a déjà lu plusieurs extraits et on continue ce soir. En 1944, mon père et ses parents ont déménagé de Hoboken à Brooklyn. Mon père est allé à l'école primaire PS217 à Coney Island, à Mew, et c'est là qu'il a rencontré ma mère. Le nom de jeune fille de ma mère était Gertrude Just. La plupart des gens l'appelaient Trudy. Sa mère, Johanna, était française et son père, Julius, allemand. Ils ont immigré en Amérique en 1923 et se sont installés à Willoughby, dans l'Ohio. Ma mère est née le 10 septembre 1931 dans la maison de ses parents. Julius était ingénieur électricien et la famille faisait partie de la petite bourgeoisie, mais à l'époque, la plupart des bébés naissaient encore à domicile, avec l'aide d'une sage-femme plutôt qu'à l'hôpital. Pick up the PC and go. Ma mère n'avait que 2 ans quand sa mère est morte. Quelques années plus tard, Frédéric, le frère aîné de ma mère, est mort d'une pneumonie à l'âge de 10 ans. La petite Trudy et son père ont déménagé à Cleveland pour quelques années avant de s'installer à Brooklyn. Ils ont vécu sur Ocean Parkway pendant 2 ans, puis ont déménagé dans un immeuble en briques de 4 étages au 640 Ditmas Avenue, à quelques blocs au sud de Prospect Park. C'était un quartier entièrement ouvrier, principalement composé de modestes maisons particulières. Maman et papa ont été amis pendant quelques années avant de commencer à sortir ensemble vers l'âge de 18 ans. Environ un an plus tard, le 15 décembre 1950, ils se sont mariés à la mairie du Lower Manhattan. Le 15 juillet 1952, mon frère jumeau Fred et moi sommes nés au New York Infirmary Hospital. Notre famille vivait avec mon grand-père Julius dans un immeuble en briques de 3 étages sans ascenseur au coin de President Street et de Rogers Avenue dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Les immeubles étaient tous mitoyens, généralement avec un petit magasin au rez-de-chaussée, un escalier séparé menant aux appartements du dessus. Fred et moi partageions une chambre avec des lits superposés, ce qui ne nous posait aucun problème parce qu'on s'entendait vraiment bien. C'est sur ce morceau très calme d'Annie Says des Ramones que s'achève le punk rock blitzkrieg, l'histoire de Marky Ramones. On continue dans l'histoire du rock'n'roll avec encore une autre rubrique récurrente, celle de l'histoire des Slits, les filles atypiques. Plus tard, Kate se connecte avec la batteuse June Miles Kingston, qu'elle rencontre en travaillant sur le tournage du film de Julian Temple sur les Sex Pistols, The Great Rock'n'Roll Swindle. Elle recrute la bassiste Jane Crockford et la chanteuse-danseuse Ramona Carlier pour former les Modettes. Kate se souvient, June a acheté une vieille batterie à Paul Cook et nous avons commencé à jouer ensemble. Je me rappelle avoir joué avec des mecs à un moment, pensant qu'uniquement des filles, ce n'était peut-être pas une si bonne idée, après tout, mais ça n'a marché avec aucun d'entre eux. J'ai vu Jane jouer avec The Bank of Dresden et nous avons décidé de jouer ensemble pour s'amuser. Je pense que c'est elle qui a amené Ramona dans le groupe et nous avons donné un concert dans une fête au Chippenham, un pub à Maida Hill, West London. Ça s'est bien passé et nous avons continué. Nous étions déterminés à arrêter quand ça ne serait plus amusant. From September 1977, those are the Slits and the Shoplifting, and we've got a session coming up actually from the Raincoats, and that'll be going out on next Monday night's programme. Well worth hearing, I think. Since I last spoke with you on the topic of the Slits, we've had a phone call from a Slits mum to say that the group has signed with Island Records and there's an LP due in April. Well, I shall believe that when I see it, frankly. Well, I hope it's true, of course. These are the Slits and Newtown. Maudette elle-même ne sont pas protégées contre les influences extérieures négatives. Cette fois, c'est leur chanteuse qui en est la cible, mais Kate n'en tient pas compte. Je me rappelle que Strummer m'a dit qu'on devrait se débarrasser de Ramona. Au début, elle faisait un peu de surpoids et restait toujours immobile au milieu de la scène. Comme d'habitude, j'ai ignoré son conseil et elle est devenue une très bonne interprète. When he started talking to me, wish I and love I could. But still, as long as you know, Pour moi, les gens uniques sont ceux qui sont fous de vivre, fous de parler, fous pour être sauvés, désireux de tout en même temps, ceux qui ne braillent jamais ni ne disent de choses banales, mais qui brûlent comme de fabuleuses bougies romaines jaunes, éclatant comme des araignées à travers les étoiles, et au milieu, vous voyez la lumière centrale bleu scintiller et tout le monde fait « Waouh !» Jacques Kerouac sur la route. Vous êtes toujours bien calé sur le 100 FM, c'est Lost in Space sur votre radio favorite, le 100 FM à Toulon, radioactive. C'est donc la fin avec ce shoplifting de la séquence sur les Slits. On continue en musique avec B-Side et avec des extraits d'un autre livre, celui de Naomi Klein qui nous dit « Tout peut changer ». Elle nous parle de réchauffement climatique, de capitalisme et comment faire pour sortir des deux à la fois. Here and the snow was falling. Then comes spring, the world is calling. Summer comes and I feel so lazy. I'm seeing so much skin, it's crazy, yeah. The sun brings out the girl. Them off the street. Yeah. The sun brings out the girls all over the world. The sun brings out the girls all over the world. The sun brings out the girls all over the world. The sun brings out the girls all over the world.

mothers and the daughters and the daughters, great granddaughters, mothers and the daughters and the daughters and the daughters, yeah. Consiste à nous dire trop accaparés par notre propre vie pour nous soucier d'un problème aussi lointain, aussi abstrait. Et ce, même si nous avons vu l'eau envahir les tunnels du métro de New York et les habitants de la Nouvelle-Orléans se réfugier sur leurs toits, même si nous savons que nul n'est à l'abri et les plus démunis encore moins. Aussi compréhensible soit-elle, cette attitude est encore une forme de déni. Thank you. Notre option encore consiste à prendre la crise en compte tout en se disant que la seule solution est de modifier nos comportements. En recourant à la méditation, au marché bio et en prenant la suppression de la voiture. Mais en oubliant, entre guillemets, ce faisant, d'essayer de changer pour de bon le système responsable de la crise, au motif qu'un tel projet serait irréaliste ou véhiculerait trop d'énergie négative, entre guillemets. C'est ainsi que, même si nous sommes persuadés de garder les yeux grands ouverts dans la mesure où nombre de ces modifications apportées à notre mode de vie font de fait partie de la solution, l'un de nos yeux demeure bel et bien fermé. toujours calé sur le 100 FM, Lost in Space, ce Radioactive. On vient d'avoir Trisomie 21, nous chantait de la song. C'était un vieux groupe cold wave français, franco-belge, si mémoire est bonne, enfin je ne sais plus. Toujours est-il que là, nous allons passer au live, parce que très souvent, nous avons des lives dans cette émission, si vous avez l'habitude et que vous êtes une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur. Et aujourd'hui, c'est Firewater, enregistré à Vienna, c'est-à-dire à Vienne, en Autriche, le 21 mars 2002. Firewater, pour ceux qui connaissent, c'est le groupe qui a suivi Cop Shoot Cop, donc groupe de la côte est américaine de Washington, me semble-t-il. Vous allez voir, c'est vraiment plutôt bien, moins expérimental que Cop Shoot Cop, avec des morceaux, on va dire, un peu plus pop. Et c'est parti pour une bonne demi-heure. Firewater, live, recorded at the Vienna Flex in March this year. Trommel dir die Psychopharmaka aus deinem Kopf. Ex-cop-shoot-cop singer Todd A's form of musical self-help. Some time in jail, personal experiences, everyday drama, death, fear, loneliness, and despair. It's not a fashionable outsider story. It's not a romantic desperado thing. It's just the facts. Founded in 1995, New York City's Firewater present their third record, Psychopharmacology, FM4's album of the week not that long ago. Well, it crowned me with thorns and the day I was born. Firewater, live. FM4, you're at home, baby. A regular Tuesday. Newspaper had nothing much to say. Nobody noticed anything peculiar in him. Cigarette, cold coffee, bus to work. 6 o'clock, the American prodigal jerk. Coming home to the same complete disaster again. But it seemed like the quiet type, nothing out of place. Car crash. Professional career. Well, people can't be cruel. least you can still count yourself among the living. We'll keep one eye on the road and the other on your rear, because when you least expect it, you got the master fear. You got the master fear from a car crash. Or just some cold cash negotiator. Just a car crash collaborator. Or just a cold cash negotiator. On an oxygen cocktail with an ambulance chaser. On an oxygen cocktail. On an oxygen cocktail with an ambulance chaser. On an oxygen cocktail. With an ambulance chaser. On an oxygen cocktail. On an oxygen cocktail. With an ambulance chaser. Black and white, a black and white arms.

chance may never come again. This is another uplifting song about medication. How it starts, unanswering machine that only speaks the truth. The inclination to climb up on the roof, the endless shrink parade, the nights that never cease, and all you want is peace, but all you get is pills. Still they tell you psychopharmacology is gonna be your friend when you're forgetting all your life. You can't buy your own surprises. Psychopharmacology is gonna save your soul. He's got his great and got his good, but he's also made of wood. Believe in psychopharmacology. Have warned you, this is how it ends. But the thing you can't accept is this is all you get. You just want a second chance, but all you get is pills. Still they tell you psychopharmacology is gonna set you straight when you can't get out of bed and you're so tired. But it's also made of wood. Remember, psychopharmacology will turn your life around. Oh, oh, oh. Psychopharmacology is gonna set you straight when you can't get out of bed and you're so tired of pretending. Psychopharmacology is gonna save your soul. It's got his great and got his good. It's just too bad it's made of wood. Hey, what she need, what she need, what she need, what she need, what she need, what she need, what she need. Thank you. branches are still upon grass. You're the drink I could not swallow. Tell the thing that in my eye. I walk among the stones again in the place we said goodbye. Why should I try to hang on when the world keeps shutting me out? I've done everything wrong since you fell off the face of the earth. Since you fell off the face of the earth. How is the stars a dying? I hide my head behind the wall. There's seven kinds of sorrow, and darling, I can name them all. You're the path I could not follow to the place where no one tries. In the place we said goodbye. Why should I try to hang out when the world keeps shutting me out? I've done everything wrong since you fell off the face of the earth. Since you fell off the face of the earth. Should I try to hang out?